Ok. C'est comme si j'avais un atavisme. C'est comme si je rappais à la va-vite. Nique sa mère, moi, j'suis pas un riche. J'suis baisé, j'ai envie de pleurer à chaque pleine lune. Perdu, le genre de fou capable de rêver futur quand il voit une belle pute. Parce que j'suis plus triste encore que le film Le Titanic. Parce que j'suis baisé, j'pourrai plus jamais revoir l'enfant, le petit Tariq. Baisé, c'est la merde, ma couille. Et faudrait que j'pète un coup. Baisé, NOS, check, on reste intestable. L'interdiction touche à Alain, on risque de perdre ta poule. J'baisse la poule, la rive baisée, on reste pareil. Farouche, farouche, donc argentin. Caboule dans nos lives. Partout on se mange car on chien en cartouche, car on taille. J'suis baisé, mais ça depuis qu'on m'a pécou l'enfance. Ça fait 6 ans, j'rappe 6 ans, crache et peine, s'foutent ensemble. Baisé, avoir mon rap vieillir triste. Putain, passe-moi le calibre que j'aille remplir la tire liste. Le chauffage coûte cher, alors dans la chambre il cale. Y'a rien, mais tu mets quand même les couverts quand t'as le ventre qui râle. Baisé parce que j'ai fait des fautes la plupart de ma vie. J'ai joué hors jeu, vu que j'ai vu qu'il y avait pas d'arbitre en baisé. Nique sa grand-mère, on est hard. Parce qu'on est baisé. Parce qu'on est baisé, tu crains. Parce qu'on est baisé. Nique sa grand-mère, parce qu'on est baisé. Sur la tête, on fera le bail. Baisé. Nique sa grand-mère, on est hard. Parce qu'on est baisé. Parce qu'on est baisé, tu crains. Parce qu'on est baisé. Nique sa grand-mère, parce qu'on est baisé. Putain, je te jure, on fera le bail. Avant je voyais un monde parfait, maintenant je veux le baiser. Je fais une croix sur mon rêve de gosse le jour où je me suis blessé. Baiser parce que je pars seul comme un malade mental. Baiser l'ami, je t'attache pas, je suis pas sentimental. Baiser parce que je retrouve ma solitude dans l'allée. Baiser parce que tu restes là, mais je voudrais m'en aller. Baiser parce que je passe des heures à fixer le vide. Je tente pour sur un bail, donc faudra vite faire le vide. Le désespoir de mon père de voir son fils au tribunal. Je n'ai jamais rendu fier, j'ai la haine, je vais prendre une arme. Baiser parce que j'ai le souvenir des pépères fils. Baiser parce qu'on m'a dit petit, ça se trompe mes pères fils. Baiser par la tristesse, gros, j'ai appris à vivre avec. Je la traîne un peu partout sous la capuche, je recouvre ma tête. Baiser parce que j'oublie trop souvent de prier Dieu. Baiser parce que je voulais voir loin, mais on m'a pris mes yeux. Baisé, nique sa grand-mère, on est hard. Parce qu'on est baisé. Parce qu'on est baisé, tu crains. Parce qu'on est baisé. Nique sa grand-mère, parce qu'on est baisé. Sur la tête, on fera le bail. Baisé, nique sa grand-mère, on est hard. Parce qu'on est baisé. Parce qu'on est baisé, tu crains. Parce qu'on est baisé. Nique sa grand-mère, parce qu'on est baisé. Putain, je te jure qu'on fera le bail. Baisé parce que je ne savais pas quelle elle était. Baisé par ce manque d'amour de ma mère qui aurait pu m'aider. Je suis ce petit dulceau qui vit dans le passé. Récupère ma tétine contre les chats, gazelle. Baisé faut trouver un toit cet été, ça sent l'expulsion. Un 5 dans un 1 pièce, faut pas se faire d'illusions. Baisé parce que je croyais que ça n'arrivait qu'aux autres. À des mots sont des halls, ça sent jet de zoo. Ça sent la haine, ça sent la rage, ça sent la rage. Parce que c'est dans les gènes, dans les gènes. Baisé, v'là les deux frères, bras crevés dans les airs. Percé, percé, sous chant des sirènes, sirènes. C'est pour tous les frères et sœurs dehors tout l'hiver. Merde, à des mots, N-O-S, N-O-S. Putain de merde, y'a longtemps qu'il y a eu S-O-S. Baisé, nique sa grand-mère, on est hard. Parce qu'on est baisé, parce qu'on est baisé, tu crains. Parce qu'on est baisé, nique sa grand-mère, parce qu'on est baisé. Sur la tête, on fera le bail. Baisé, nique sa grand-mère, on est hard. Parce qu'on est baisé, parce qu'on est baisé, tu crains. Parce qu'on est baisé, nique sa grand-mère, parce qu'on est baisé. Putain, je te jure qu'on fera le bail. Baisé, parce qu'on est baisé, parce qu'on est baisé, parce qu'on est baisé. Ça sent la rage, sent la rage. Parce que c'est dans les gènes, dans les gènes. Baisé, v'là les deux frères, bras crevés dans les airs, dans les airs. Percé, percé, sous chant des sirènes, sirènes. C'est pour tous les frères et sœurs dehors tout l'hiver. Merde, à des mots, N-O-S, N-O-S. Putain de merde, y'a longtemps qu'il y a eu S-O-S. Baisé, nique sa grand-mère, on est hard. Parce qu'on est baisé, parce qu'on est baisé, tu crains. Parce qu'on est baisé, nique sa grand-mère, parce qu'on est baisé. Sur la tête, on fera le bail. Baisé, nique sa grand-mère, on est hard. Parce qu'on est baisé, parce qu'on est baisé, tu crains. Parce qu'on est baisé, nique sa grand-mère, parce qu'on est baisé. Putain, je te jure qu'on fera le bail. Baisé, baisé. qu'on est baisé. Parce qu'on est baisé. Parce qu'on est baisé. Parce qu'on est baisé. Parce qu'on est baisé. Parce qu'on est baisé.